Elle m'a dit je t'aime. Moi je ne l'ai pas cru. Elle m'a tendu ses lèvres. Moi j'avais un peu bu. Elle m'a écrit des lettres. Moi je ne les ai pas lues. Aujourd'hui je les cherche mais ne les trouve plus. Elle m'a tendu ses mains. J'allais voir un copain. Elle m'a dit je t'attends. Je lui ai dit à demain. Je revois son visage et je revois son corps. Et moi je l'ai quitté sans l'ombre d'un remords. Mais où est-elle? C'est une punition tombée du ciel. Où est-elle? C'était mon ciel bleu, mon arc-en-ciel. Je suis sûr, je le jure, qu'un jour tu reviendras.